للعيش والتعايش في كومو، مشروع خطوات صغيرة، معلومات مهمة لحياة أفضل وتعايش بإقليم كومو. هذا البرنامج يتكون من 4 حلقات مخصصة للسكن والصحة والعمل وكل ما يتعلق بالنظام الجبائي بإيطاليا، يدعى مباشرة باللغات التالية: التركية، العربية، الإنجليزية والفرنسية. المشروع هو مبادرة من الجمعية شانس بالتعاون مع أرشي إيكو إنفورماسيون أرشي نوروس، ممول بالقانون ليجي 40 الخاص بالعزل المتعلق بالمحافظة اللومباردية. To live and cohabit in Como, short step project, practical information to live together in a better way in Como. The 4 episodes of this program concerning housing, health, work and taxation are available in Italian, Turkish, Arabic, English and French. This project is developed by Cooperativa Chance, realized with the support of Arci Ecoinformazioni and Arci Nirus, financed by Law 40 ASL Lombardia. Vivre cohabiter comme. Le projet Petit Pas, information pratique pour vivre mieux et cohabiter ensemble dans la province de Comme. Les 4 épisodes de ce programme sont consacrés au logement, la santé, le travail et le fisc. Ils sont d'ailleurs disponibles en italien, turc, arabe, anglais et français. Le projet est une initiative de la coopérative Chance, réalisée en collaboration avec Arci Ecoinformazioni et Arci Nirus et financée par la loi 40 ASL de la région Lombardie. Vivere e convivere a Como. Progetto Piccoli Passi. Informazioni pratiche per vivere meglio e vivere insieme in provincia di Como. Le 4 puntate di questo programma, dedicate alla casa, alla salute, al lavoro e al fisco, sono disponibili in italiano, turco, arabo, inglese, francese. Il progetto è un'iniziativa della cooperativa Chance, realizzata con la collaborazione di Arci Ecoinformazioni e Arci Nirus, finanziamento Legge 40, azienda sanitaria locale, Lombardia. Vivir y convivir en Como. Proyecto Piccoli Passi. Información práctica para vivir mejor y vivir juntos en la provincia de Como. Las 4 puntadas de este programa se dedican a la casa, a la salud, al trabajo y al fisco. Serán disponibles en italiano, turco, árabe, inglés y francés. El proyecto es una iniciativa de la cooperativa Chance y se realiza con la colaboración de Arci Ecoinformazioni e Arci Nirus, financiado con la Ley 40, Hacienda Sanitaria Local, Lombardía. Yaşamak ve yaşayabilmek Como'da. Proje küçük adımlarla pratik bilgiler hepimiz beraber yaşayabilmek için Como ilinde. Bu programın 4 bölümü eve adanmış ve sağlık, iş ve vergi. İtalyanca, Türkçe, Arapça, İngilizce bulabilirsiniz. Bu proje kooperatif şans girişimiyle başlayıp Arci Ecoinformazioni ve Arci Nirus işbirliğiyle gerçekleşmiştir. Madde 40, Finanz AS Lombardia. Ben ritrovati a tutti. Oggi ci ritroviamo a parlare del lavoro. Lavoro in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti. Bene, bene, è un argomento piuttosto ampio. Penso che hai cercato di elencare i problemi più comuni che ci pongono i nostri utenti, vero? Sì, sì, ci ho provato. Poi è ovvio che per informazioni maggiori è sempre meglio rivolgersi ai sindacati competenti. Però ecco qui le informazioni. Bene, bene, adesso raccontaci un po' cosa sei riuscita a fare. Le travail. Souvent, il y a une demande qui se pose, celle de où trouver un emploi. À savoir, il y a des bureaux provinciaux à Quinto, Como, Erba et Menaggio, qui sont chargés de suivre les gens qui sont à la recherche du travail, sans oublier que le site www.lavoro.provincia.como.it facilite la recherche. Les adresses sont publiées sur le site cité auparavant. À ne pas oublier que les gens qui doivent renouveler leur permis de séjour sont tenus de s'inscrire au bureau provincial de travail. Encore à savoir que la loi ne permet pas le renouvellement du permis de séjour pour 2 ans consécutifs, dans le cas d'attendre un emploi. Alors, Pour la déclaration d'un employeur, une fois les employeurs sont embauchés, ils doivent le communiquer au bureau compétent. Au cas où l'employé possède un permis de séjour pour le travail, il est tenu d'établir un contrat de séjour aussi appelé modèle Q. Le contrat du séjour doit être adressé à la préfecture avec une lettre recommandée. Le titulaire d'un permis de séjour pour des raisons familiales peut travailler sans demander la convention du permis de séjour. De même, il est très important de savoir qu'un permis de séjour pour l'emploi peut être converti à un permis de séjour pour l'auto-emploi, ça veut dire travail autonome. À savoir aussi que l'État pour commencer à exercer un travail commence dès 16 ans, accompagné d'un niveau d'études scolaires. Dès 18 ans, la personne peut pratiquer des travaux pesants. À savoir aussi que l'immigré pour motif d'études peut pratiquer un travail d'une durée maximum de 20 heures par semaine, respectant une limite annuelle qui ne dépasse pas 1040 euros. Il existe plusieurs relations de travail. Le contrat de travail peut être à temps déterminé ou bien à temps indéterminé, en plein temps ou à temps partiel. En Italie, il y a ce qu'on appelle la négociation. Cela signifie que chaque catégorie de travail a un contrat signé par les syndicats qui représentent les employeurs. Dans chaque contrat, il y a la spécification du salaire, le congé, jour de repos, repos hebdomadaire, le travail de nuit, les heures supplémentaires et les horaires de travail flexibles. Il y a peu de rapports de travail qui ne se réfèrent pas à la négociation collective. Pour les plus amples renseignements, on n'a qu'à contacter un syndicat de confiance. Aussi à savoir qu'il n'y a aucune règle qui interdit une personne à exercer d'autres travaux. Pour en savoir de plus, toujours à contacter le syndicat de confiance. Travail subordonné. En règle, il est stipulé le temps indéterminé. Le patron du travail doit communiquer aux employeurs la catégorie et l'échec du travail à son faveur. Pour le contrat à temps expiré, elle est basée sur une date définie de la part du patron. Le contrat à durée déterminée doit indiquer le motif ou la raison de la nécessité de l'expression. La loi ne fixe pas la durée maximale du relation, sauf dans certains cas prévus par la loi. La durée du contrat expirera à la fin du terme. Pour le contrat d'administration du travail, c'est un travail effectué par une agence pour le travail. Voir le site www.asso-lavoro.it. Dans ce site, tout est expliqué, ce qui concerne la pratique pour prendre un employeur à travers une agence. Pour le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de formation d'où le patron est tenu à payer les rétributions pour l'apprenti, même aussi s'il y a des cours à poursuivre à l'intérieur ou à l'extérieur de la société. Pour le contrat du travail sur appel ou intermittent, pour ce genre de contrat, le travailleur est soumis sous la disposition du patron d'une manière discontinue ou par différents moments. Pour les travaux auxiliaires, il vient d'être payé à la suite d'un système appelé bon travail. La compensation est limitée à 5000 euros pour chaque client. Il y a aussi le travail partagé. Il s'agit de lorsque deux travailleurs se divisent la responsabilité quand ils exercent le même travail ensemble. Il peut également être effectué entre familles. Au cas où l'un des deux présente ses démissions, la relation de travail se termine. Aussi, il y a le travail parasubordonné. C'est une forme de travail qui se fait en signant un contrat de projet où le travailleur est obligé de poursuivre un projet d'une manière autonome, de telle manière qu'elle satisfait l'organisation du patron. D'autre part, il y a le discours de la collaboration occasionnelle. Ici, le rapport des travaux s'effectue d'une manière indépendante, sans que les travailleurs soient liés à des horaires rigides ou l'absence des besoins spécifiques. Ici, les employeurs travaillent en l'absence de risque économique. et son contrat. La sécurité sociale ne prévoit pas de versement d'assurance, à moins que le revenu annuel de la société est supérieur à 5 000 euros. Pour la TVA, s'applique quand une personne effectue une transaction ou un service sur paiement d'une taxe. Ici, le travailleur est tenu d'émettre une facture pour chaque transaction effectuée par la valeur du service ainsi que la TVA et l'impôt anticipé. La joint venture, ici il s'agit lorsque une personne est obligée à participer dans une société avec l'aide d'un emploi. Ça se demande plus d'informations pour ne pas tomber dans le piège. Pour le travail en corporation, selon la loi, une personne peut travailler comme un partenaire de coopérative avec un contrat pour une durée indéterminée ou à terme en ce qui concerne le travail et le permis de séjour. Les immigrés qui veulent séjourner d'une manière légale dans le pays doivent avoir un permis réduit de la police de la province entre 8 jours ouvrables de l'entrée en Italie. En ce qui concerne la durée du permis de séjour en Italie, est le suivant. 9 mois pour l'autorisation d'un ou plusieurs contrats pour un travail saisonnier. Une année d'autorisation de travail à durée déterminée. 2 ans pour un permis de travail soumis à durée indéterminée. 2 ans pour le permis de séjour pour travail indépendant. Le ministère de l'Intérieur a ordonné que le reçu délivré par le bureau de poste confirmant la demande de renouvellement du permis vous permet de quitter le pays et de retour. Dans le thème des revenus et le permis de séjour, à savoir que le travailleur doit documenter la disponibilité d'un revenu suffisant au moment de présenter la demande pour renouveler son permis de séjour. Pour les permis de séjour à longue durée, les travailleurs étrangers en possession d'une ancienneté de séjour égale ou supérieure à 5 ans, d'un contrat de travail ou d'auto-valide, aucune plainte ou accusation pour des crimes graves, un revenu suffisant peuvent demander le séjour à longue durée, mis à jour chaque 5 ans. Il peut être révoqué dans le cas d'absence du territoire italien de plus de 12 mois affilés.